D'accord, ça fait. C'est celui-là. Merde. Je sais pas comment on joue celui-là. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.